Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le réveil religieux du Québec au milieu du 19e siècle. Je crois que les gens avaient véritablement besoin, disons, d'une nouvelle forme de prédication. N'oubliez pas qu'on est en pleine période romantique aussi, au point de vue littéraire ou autre. Et ce qui a compté également, il ne faut pas l'oublier, c'est l'éloquence aussi de Monsieur Forbin-Janson. La parole est vraiment très goûtée à cette période-là. Cette parole très goûtée dont parle l'historien Niv Voisine correspond à cette parole religieuse qui se fera entendre avec force à partir des années 1840 au Québec et qui sera associée à ce qu'on appellera par la suite le réveil religieux du Québec au milieu du 19e siècle. Derrière ce réveil religieux, on trouvera quelques grandes figures de proue, celle de Mgr Bourget, le puissant évêque de Montréal, bien sûr, mais aussi celle d'un Mgr Forbin-Janson, par exemple, dont parlait Niv Voisine dans l'extrait qu'on vient d'entendre qui était tiré de l'émission « Les matins de la fête ». Directement de l'archevêché de Montréal, CKAC présente l'émission Le Chapelet en famille. Un quart d'heure de recueillement et de prière pour l'obtention d'une paix durable dans le monde. C'est Mgr Paul-Émile Léger qui récitera ce soir le chapelet avec les invités de l'archevêché. Vierge Sainte, donnez-nous la grâce de célébrer dignement vos louanges et la force de résister aux ennemis de notre salut. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit. Aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Extrait du Chapelet en famille du 8 mars 1951, cette très populaire émission de radio qui était diffusée à CKAC et qui va l'être pendant des années. Le Chapelet en famille, c'est un formidable exemple de ce Québec très religieux du début du 20e siècle. Ce Québec dont on pense souvent qu'il a toujours été très religieux jusqu'à l'arrivée des années 60 et de la Révolution tranquille. Pourtant, non. Et avec l'historien Éric Bédard, historien à la TELUC, on va aujourd'hui justement essayer de remettre un petit peu le pendule à l'heure en rappelant qu'il y a eu un réveil de cette ferveur religieuse dans le Québec du milieu du 19e siècle. Éric Bédard, bonjour. Bonjour. Donc, c'est vrai qu'on a souvent cette impression que ça a toujours été le Québec jusqu'aux années 60, quelque chose de très, très, très, très religieux. Non, il y a eu un réveil vers 1840. Oui, alors, c'est sûr que cette interprétation nous vient beaucoup du clergé. Il y a eu une historiographie qui nous vient des religieux, Mgr Ferland, même Lionel Groulx a un peu propagé cette idée que, en gros, depuis les mystiques du début, hein, même Samuel de Champlain a été présenté parfois comme un mystique, alors qu'on sait maintenant qu'il avait été protestant, qu'il n'a pas toujours été, il a pas toujours été aussi croyant qu'à la fin de sa vie. Bon, ouais. Mais on a cette impression, on a eu cette impression, cette mémoire d'un Québec d'avant la Révolution tranquille, qui était mur à mur, intégralement, exactement, ouais. Cléricalisé, religieux, tourné vers Rome. Or, justement, les historiens ont montré qu'il y a des périodes, bien sûr, qu'il y a eu des mystiques à l'époque de la Nouvelle-France, mais il y a eu aussi des gens qui étaient plutôt, qui avaient beaucoup d'indépendance d'esprit ouais. par rapport à l'Église. Et on a manqué de prêtres aussi. Je veux dire, la carrière ecclésiastique au tournant du 19e siècle n'attirait pas nécessairement énormément de jeunes. Il y a eu d'ailleurs un livre de Serge Gagnon intitulé ainsi ouais. « Quand le Québec manquait de ouais. prêtres ». En fait, fin 18e, début 19e, il y a vraiment un creux de vague. On écoute Louis Rousseau, dont on va parler au cours de cette émission, parce qu'il a beaucoup réfléchi à cette question du réveil religieux du Québec au milieu du 19e siècle. Mais il nous parle, dans cet extrait de l'émission « À Dieu et à Diable », diffusé en août 2000, de ce creux de vague, justement, que vit le Québec, qui se vit ailleurs aussi, vers la fin du 18e et au début du 19e siècle, par rapport à la religion, bien sûr. Dans les années 1830, la majorité des catholiques de la paroisse de Montréal ne font pas leur Pâques. C'est très grave, pour autant que tout ce monde-là sait très bien que s'ils meurent, et on n'a pas la médecine à cette époque qu'on a aujourd'hui, s'ils meurent, ils s'en vont direct en enfer. Probablement qu'on assiste ici à quelque chose qui est une baisse graduelle de ferveur dans la pratique, en tout cas, qui est un peu de la fin du 18e siècle et début du 19e siècle. La période révolutionnaire, en gros. Pas parce qu'on l'a eu ici, mais parce que c'est une période où il y a une espèce d'attiédissement de la foi chrétienne un peu partout. Alors, cette tiédeur dont parle Louis Rousseau, elle s'exprime comme, bon, il parlait des Pâques qu'on ne faisait pas, mais ça s'exprime comment, ce creux de vague dans la pratique religieuse c'est, ici? C'est tout simplement comme il l'a dit, la présence à la messe, les Pâques, les rituels qui sont prescrits par l'Église, les vocations. Il y a moins de vocations, il y a moins d'associations pieuses. Bref, c'est pas vers là, nécessairement, que va la jeunesse. Il y a, bien sûr, eu des institutions. Mais il n'y a pas cette ferveur qu'on va voir plus tard. Ouais. Elle arrive donc, cette fameuse ferveur, vers 1840. Qu'est-ce qui l'explique? Là, c'est intéressant. On va faire aujourd'hui, c'est rare qu'on le fasse, Éric Bédard, un peu d'historiographie. Oui. Il y a deux grandes écoles. Oui, parce qu'on a nos débats au Québec, par exemple. La plus célèbre, c'est celle sur les conséquences de la conquête, par exemple. Ça a déchiré les historiens. Mais il y a un débat moins connu dans le public sur un peu ce qui est à l'origine de ce réveil religieux. Alors, il y a deux écoles. Il y a une école, celle que je pourrais appeler du contrôle social, une école qui a été vraiment défendue par un historien de grand talent qui a fait des recherches extrêmement érudites, qui est René Hardy de l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui lui défend un peu l'idée qu'au fond, l'Église a un plan de match, que cette ferveur a été vraiment initiée par le haut, que l'Église se percevait comme un rempart contre les idées modernes et libérales, et que donc l'Église voulait encadrer les fidèles, restreindre l'accès aux ouvrages des Lumières. L'Église qui va créer des journaux de propagande, l'Église qui va s'aligner aussi sur Rome, qui va vraiment créer une pression, une pression chez les fidèles pour qu'ils aillent à la messe, pour qu'ils observent les rituels. Bref, pour cette école, le réveil religieux venait essentiellement d'en haut. Oui. C'est l'accomplissement d'un programme longuement mûri. Et le clergé, d'une certaine façon, profite de l'échec des rébellions de 1837 pour enfin imposer sa vision, ses valeurs, ses normes de conduite à un peuple. Dans les travaux de René Hardy, on a l'impression que c'est un peuple un peu passif qui va, dans le fond, suivre la voie. Alors, on a face à ce courant du contrôle social, un autre courant qui lui dit non, il y a un renouveau religieux. Porté par Louis Rousseau, Exactement. Louis Rousseau, qui a été professeur à l'UQAM, qui a vraiment défendu cette perspective. Évidemment, c'était pas toujours aussi tranché, ils étaient d'accord sur certains, mais disons, on pose ça un peu de façon clivée, mais... Pour Louis Rousseau et des chercheurs qui étaient d'accord avec lui, en fait, ils ont beaucoup plus insisté sur ce qui venait d'en bas, sur la demande religieuse qui venait, elle, du peuple. Pour les chercheurs, donc, qui ont privilégié cette approche, si les gens commencent à aller à l'Église en masse, s'ils pratiquent les rituels prescrits par leur clergé, s'ils deviennent plus tempérants, c'est pas parce qu'ils sont obligés, forcés, c'est pas seulement parce qu'ils se soumettent à leur clerc, mais c'est surtout parce qu'ils trouvent quelque chose comme des réponses à leurs questions, du réconfort, du sens. C'est un contexte difficile, la société en transformation. C'est un contexte difficile sur le plan économique, crise agricole qui se prolonge, évidemment. Et donc, des jeunes qui ne trouvent pas de terre, qui n'ont pas accès à la terre. Contexte difficile sur le plan, bien sûr, politique. Mm. On vit les lendemains des rébellions de 1837, acte d'union que les gens de l'époque associent à l'assimilation. Mm-hmm. Mais en même temps, comme le montre bien Rousseau, ce n'est pas un phénomène propre au Québec. Ça se vit un peu partout en Amérique du Nord. Et donc, y a une jeunesse qui cherche des voies d'avenir. Ouais. Et évidemment, y a une Église qui voit bien ce qui se passe, qui fait du clientélisme, on pourrait dire comme ça, qui dit « Ah, il y a une occasion. » Il y a une demande. Et on la saisit, cette demande-là. Et je le disais au début de l'émission, il y aura des ténors, vraiment des figures de proue qui seront importants, qui vont participer à stimuler ce réveil religieux. Évidemment, l'évêque de Montréal, Ignace Bourget, en est. L'historien Robert Choquette nous parle des efforts. Parler de recrutement, on n'a pas beaucoup de prêtres, de curés à cette époque-là. Monseigneur Bourget va se rendre en Europe. On écoute Robert Choquette nous raconter un peu cet effort qu'il va mettre pour aller chercher des renforts du côté du vieux continent. Monseigneur Bourget s'est avéré l'homme fort de l'Église canadienne dès qu'il a accédé au siège épiscopal de Montréal. Il se rend compte que pour renouveler son Église, il a besoin de prêtres, il a besoin de clercs, de religieux de toutes sortes. Alors, c'est le but principal de son voyage en Europe. Et quand il part au mois de mai, en 41, rendu en Europe, il sera déçu pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il cogne à différentes portes de communautés et les communautés refusent pour une raison ou pour une autre. Et là, tout à fait par hasard, il va passer par Marseille et va s'adonner à parler à l'évêque qui lui apprend qu'il y a une petite communauté, là, des Oblats. Et là, par hasard, comme ça, donc, il obtient l'engagement des Oblats pour venir à Montréal. Bourgette continue son voyage, se rend à Rome et là obtient du supérieur général des Jésuites également son accord pour envoyer des Jésuites à Montréal. Alors, quelle importance il aura dans les faits, Éric Bédard, Mgr Bourget, dans l'organisation de ce réveil religieux du milieu du 19e siècle? Alors, c'est ça. Ignace Bourget, c'est le deuxième évêque de Montréal. Ça avait pris beaucoup de temps avant que Montréal ait son évêché. Il succède à Mgr Lartigue. Et c'est un homme jeune, c'est un homme qui a énormément d'énergie. C'est un homme qui est, sur le plan doctrinal, très orthodoxe, aligné sur Rome, aligné sur Pie IX. On pourrait dire que c'est quelqu'un qui rejette en bloc les idéaux modernes, libéraux. Et c'est un organisateur extrêmement efficace. Un organisateur très efficace, comme on vient de le dire, qui va en Europe. Et on lui doit justement la venue de nouvelles congrégations, enfin de congrégations religieuses françaises. On a parlé des Oblats, les Jésuites qui vont fonder un collège, le Collège Sainte-Marie. On souhaitait que ce soit une université, mais ce sera un collège. Et aussi les frères Sainte-Croix, les pères de Sainte-Croix, les clercs de Saint-Viateur. Il va aussi fonder de nouvelles congrégations, les Sœurs de la Providence, Saint-Nom de Jésus de Marie, les Sœurs de Sainte-Anne. Il va fonder, en effet, les mélanges religieux, le mélange religieux qui va être l'organe officiel de l'Église. Et donc, on est face à un homme qui est un organisateur hors pair, ouais, et qui sait répondre, satisfaire, ouais, à cette demande religieuse qui est claire. Là. Et qui l'organise, donc, ce fameux réveil répondant à cette demande. Ça va se faire sentir comment? Comment ça va se manifester? À partir du moment où il existe, le réveil, oui, comment on le perçoit? Justement, c'est qu'il y a plusieurs signes, on va en parler, mais probablement que le signe le plus spectaculaire, c'est celui de la tempérance, l'engouement pour la tempérance. Encore là, c'est pas un phénomène strictement québécois, mais il y a un engouement, c'est-à-dire là, il faut dire haut et fort qu'on va cesser de boire de l'alcool, on va créer des associations pour stimuler, encourager la tempérance à travers le Québec. Il y a des petits guides qui vont être publiés. Exactement. On est dans la morale, dans la vertu. Oui, dans la vertu. Chrétienne. Et donc, d'une certaine façon, cette régénération, ce rapprochement du religieux passe par une régénération presque physique. Ouais. Il faut expurger ses péchés, mais surtout, il faut cesser de boire. Ouais. Et encore là, de la même façon qu'il y a des figures de proue dans l'organisation du réveil, on a parlé de Mgr Bourget, il y aura dans cette parole nouvelle qui se fera entendre un peu partout au Québec, il y aura vraiment des apôtres de la tempérance. Se trouve parmi eux l'évêque de Nancy, Mgr Forbin Janson, à nouveau l'historien Nive Voisine, qui décrit l'incroyable impact qu'il va avoir lors de son passage chez nous. Il arrive au début de septembre 1840. Et son premier sermon, ça a été un événement. Si vous lisez Le Canadien, le journal de l'époque, le sermon de M. l'évêque de Nancy hier dans la cathédrale a produit une impression des plus vives dans son auditoire. Il est devenu depuis le sujet de toutes les conversations. Alors, il va parler de tempérance. C'est un mouvement d'ailleurs qui était un peu commencé. Charles Chiniquy avait d'ailleurs commencé un peu la formation d'une première société. Mais là, à Notre-Dame de Québec et ailleurs, où il va passer, là, il va vraiment donner un joli coup de pouce. Et justement, la Société de tempérance de Québec, elle va tellement être populaire que dans les premières années, il y a trop de monde. On ne peut même pas inviter les dames tellement les hommes sont fervents. Je crois que les gens avaient véritablement besoin, disons, d'une nouvelle forme de prédication. N'oubliez pas qu'on est en pleine période romantique aussi, au point de vue littéraire ou autre. Et ce qui a compté également, il ne faut pas l'oublier, c'est l'éloquence aussi de Mgr Forbin Janson. La parole est vraiment très goûtée à cette période-là. Nive Voisine parle dans cet extrait, Éric Bédard, de Mgr Forbin Janson, mais aussi de Charles Chiniquy. Ces deux hommes-là vont vraiment, je pense qu'on peut dire, envoûter carrément les foules partout où ils vont passer. Absolument. Alors, donc, Mgr Forbin Janson, c'est l'évêque de Nancy. Il vient, comme on l'a dit, en 1840-41. C'est un authentique réactionnaire. On utilise souvent le mot un peu à tort et à travers, mais qui condamne, lui, dans son cas, avec force, les idées modernes, ceux d'une révolution française qui a été, à ses yeux, une véritable offense à Dieu. Et donc, il faut expier ses péchés. Il faut s'excuser auprès de Dieu d'avoir osé contester son autorité. Et donc, se purger du péché. Ça veut dire essentiellement, ça commence par la tempérance. Et l'autre grand prédicateur s'appelle Charles Chiniquy. Lui, c'est un petit curé de campagne. Ouais. C'est un orateur aussi redoutable. Et donc, l'Église va encourager ce type de prédication, de retraite. C'est comme si l'Église sort de ses murs, sort de l'édifice. Et là, on fait des grands happenings un peu partout à travers le Québec. C'est presque des tournées, là. Oui, carrément. Écoutez, c'est près de 100 000 personnes, selon justement l'Atlas de Louis Rousseau. C'est près de 100 000 personnes qui auraient assisté en l'espace de quelques années à ces grands spectacles, à ces grandes prédications d'orateurs extrêmement... Bon, Charles Chenicky aura un destin assez trouble par la suite, mais ça serait une autre émission, si on pourrait en reparler. Donc, c'est ça, les deux hommes invitent les fidèles à la tempérance, hein, qui est le vice par excellence à leurs yeux, qui brouille les esprits, qui brise les familles. Et donc, on profite du passage de ces prédicateurs pour fonder, à l'échelle des paroisses, des sociétés de tempérance et de charité. Et ceux qui adhèrent à ces sociétés doivent faire le serment de ne plus consommer d'alcool. C'est des serments qui sont faits même publiquement. C'est vraiment tout... Et je vous lis un extrait de ce serment. « Nous nous engageons, pour l'amour de Jésus, à breuver du fiel et du vinaigre, à ne jamais faire usage d'aucune boisson enivrante, ni de vin, ni de grosse bière. » nos oncles disaient ça, de la bonne grosse bière, « excepté comme médecine. Hein? » Ah, parfois, oui, on n'a pas le choix, un petit gin, parce qu'on a le rhume. « Et pour détruire entièrement l'ivrognerie de notre paroisse et de notre pays, nous ferons notre possible pour que nos parents et nos amis suivent notre exemple. » Et donc, en 1944, Chenicky va publier aussi un manuel au règlement de la société de tempérance. Donc, c'est un énorme succès de librairie. 4 à 6 000 exemplaires vendus. Pour l'époque, c'est effectivement considérable. Même aujourd'hui, ça serait un best-seller à 6 000 exemplaires. Complètement. Quel genre d'écho concrètement trouve ce discours très vertueux? De quelle manière ça transforme le Québec sur le plan de la pratique religieuse? Alors, justement, donc ça, c'est un signe évident. Là, alors ensuite, on va voir surgir un peu partout à travers le Québec. Le documentariste Carl Leblanc parlait dans un film qui consacrait à son père des croix, hein, des croix de chemin. Donc, on voulait protéger les paroisses avec des croix. Ensuite, on va aussi noter une hausse de la pratique religieuse. Donc, les rapports envoyés par les curés aux évêques pour évaluer les pratiques religieuses ont été étudiés par les historiens. Et tout indique que les missions, hein, que les retraites auraient accru de 50 % les communions pascalisantes dans la paroisse de Notre-Dame de Montréal seulement. Ça veut dire les gens qui allaient communier. Oui. Hein, donc, une pratique qui suppose une conversion intérieure, une réflexion. Une pratique qui était peu répandue avant la période, comme le disait justement Louis Rousseau. Et de sorte qu'en 1870, c'est la norme. C'est-à-dire 90 % des fidèles qui vont à la messe communient. Ça va de soi. Aussi, on observe une montée soudaine des jeûnes. Ça voulait dire quoi, un jeûne? Ça voulait dire qu'on prenait un seul repas par jour ou de l'abstinence de viande, la montée de la pratique du carême, la popularité soudaine des neuvaines, par exemple. Tous ces signes montrent qu'il y a une ferveur, il y a un engouement. Il y avait davantage de grandes confessions annuelles, avec l'espoir évidemment d'une absolution qui ne vient pas toujours. Un religieux qui fait partie de la vie quotidienne des Québécois. Oui, exactement. Donc, vous voyez, il y a un paquet de... Et surtout, probablement que le signe le plus clair, le plus évident, c'est la montée des vocations. Oui. Là-dessus, on voit que les recrues sont nombreuses, et surtout les recrues féminines. Il y a beaucoup de femmes qui préfèrent aller dans une congrégation religieuse, peut-être en partie parce qu'elles voient la vie difficile de leur mère, qui ont plusieurs enfants et qui sont un peu qui en ont plein les bras, et ils préfèrent une vie dans une congrégation, une vie plus rangée. Mais il y a aussi derrière toutes ces adhésions certainement une forme de ferveur, de croyance. On peut aider son prochain concrètement quand on est membre d'une congrégation. Et certains diront que justement, cet apostolat qui se vivait dans les congrégations enseignantes, dans les congrégations qui venaient en aide aux filles mères, aux handicapés, eh bien, avec le développement de l'État-providence dans les années 50, peut-être que justement, on voyait moins la nécessité de devenir un clerc pour aider son prochain. Alors qu'à l'époque, non seulement on voit cette nécessité, mais comme la religion et le religieux sont au centre de la vie et de la vie quotidienne des Québécois, il y a même une valorisation. C'est presque un honneur. Un honneur pour une famille d'avoir un prêtre, et absolument. Donc c'est quelque chose de très répandu. N'oublions pas qu'à partir des années 1840, c'est le début de l'immigration des Canadiens français vers les États-Unis. Le premier rapport est rendu public en 1849. On note le phénomène. Alors, c'est dire qu'il y a une angoisse de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a une jeunesse qui ne sait pas trop à quel sein se vouer, c'est le cas de le dire. Les professions libérales, répète-t-on à partir de cette époque-là déjà, sont saturées. Il y a trop d'avocats, il y a trop de médecins. Les terres sont pas vraiment accessibles. On n'a pas les moyens de s'en acheter dans les cantons de l'Est. Mm-hmm. Donc, il faut mettre ça aussi dans ce contexte très matériel. Hein? Oui. Mais qui compte, c'est-à-dire que c'est un choix de carrière. Mais sans mettre de côté la ferveur. Là, hein? Je n'oppose pas les deux. Oui. Mais c'est sûr que ça peut être plus joué pour certains nombres de jeunes Canadiens français des années 40 et 50. Mais cette ferveur au fil du temps, même si le Québec va rester assez religieux, en façade, je dirais, en tout cas jusqu'à la Révolution tranquille, la ferveur va graduellement diminuer. Ça nous amène à parler de cette transformation spectaculaire et de ce qu'il explique. Ce Québec dont vous nous parlez est une des sociétés les plus religieuses au monde à l'époque. Oui, oui, il y a des chiffres qui ont été donnés sur le nombre de clercs par habitant était certainement des plus élevés. Ça a été démontré par... Et cette même société va devenir, après les années 60, Éric Bédard, une des sociétés les plus séculières du monde. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que les études, là, comme celle de Louis Rousseau et d'autres, disent... Au fond, cette ferveur-là, on peut dire qu'on la sent. On la sent jusqu'aux années 1860, peut-être 70. Mais après... on est dans un contexte plus de conformisme. Ça ne veut pas dire que tout le monde cesse de croire, là, mais on est plus on est face à un pouvoir. C'est-à-dire que c'est une institution qui se reproduit, qui reste là, et une institution qui rend des services aussi. Ouais. En santé, en éducation, qui va donner un coup de main au mouvement des jardins, qui défend la langue française. Oui, bien sûr, mais c'est quand même un pouvoir qui veut se reproduire. Et ce qu'on voit, c'est un certain conformisme. La ferveur n'est peut-être pas nécessairement là, mais on s'y soumet. On se soumet au rituel parce que tout le monde le fait, parce qu'on ne veut pas être jugé. Et on note, par exemple, quand l'Église interdit d'aller aux vues animées, d'aller au cinéma le dimanche, tout de suite après la messe, il y a un combat au début du 20e siècle, les gens en font un peu à leur tête. Hein. On n'obéit pas toujours à ce que nous dit le clergé. Durant les années 30, on voit une baisse du taux de natalité. Ça se vit dans la culpabilité chez les femmes, mais quand même, ça montre qu'on n'obéit pas toujours à ce que souhaite le clergé. Ouais. Et c'est donc le début, déjà à la fin du 19e siècle, de ce Québec plus loin de la religion qui s'exprimera vraiment un siècle plus tard. On arrive aux années 50, c'est un immense monument, mais les fondations sont très fragiles et ça va s'effondrer d'un coup dans les années 60. Éric Bédard, historien, professeur à la TELUC, auteur de nombreux ouvrages, dont tout récemment encore Survivance, Histoire et Mémoire du 19e siècle canadien-français. Merci beaucoup, Éric. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Charles-Antoine Lemay. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.